C'est demain le jour de l'an, guélons là, mon Dieu, la lunette. C'est demain le jour de l'an, il faut changer de maîtresse. Il faut changer de maîtresse, mon Dieu. Yeah. Il faut changer de maîtresse. Il faut changer de maîtresse, digons. Là, comment ça, voyons donc? Donc, je l'avais dans le... Lorsque je me suis pratiqué en studio hier, hein, c'était si somptueux, comme ils disent dans le milieu de la chanson. C'était pas somptueux, c'était épouvantable. T'étais même pas capable de l'aligner. Attends, je vais la reconnaître. Est-ce que j'ai droit à une chance? Ben... la dernière, et non la moindre, donc vous êtes bien gentils avec moi. Alors, je demanderai à tout l'orchestre de Limoilou qui sont en grève depuis déjà 2 ans et demi avec Errance Canadienne parce que je les paye pas. Les artistes doivent apprendre à faire ça bénévole, hein. Le bénévolat, c'est un acte. C'est quand même de l'amour pour la musique. Ouais, mais ça paye pas la tranche de pain. Ben oui, mais mangez pas du pain, mangez pas de pain. Oui, je suis bien d'amour et d'eau fraîche depuis 25 ans. Bon, c'est pour ça que t'es... ouais, mais ça doit être de l'eau enrichie. Ah, c'est plus enrichi que ça, là, comment ça? Hein, ça sent pas trop la comment t'appelles ça, donc, l'eau semant. Oh, monsieur. Je pense pas que tu vas arriver. Toi, quand tu vas mourir, là, combien d'années ça va te prendre avec d'arriver aux zoos, pauvre au jardin zoologique, mais à tes zoos, OS. Ouais, mais je demande un SOS, on recommence. OK. C'est demain le jour de l'an, Gaylora. Hey, comment, c'est pas Gaylora, voyez, messieurs. Lâche-moi le rat! Il y en a pas ici, à CKRL! Il y en a juste un qui est devant le micro puis il commence à gueuler. Oh, vous êtes pas gentil. On a jamais été gentil ici, on dit les vraies affaires, là. On n'a pas peur de dire ça! OK, ben arrêtez. Arrêtez maintenant, on peut pas! On peut pas, ça fait combien d'heures, ça, là? Ça fait 12, 14 heures! Pendant 14 heures, là, tu vas m'endurer! Oh, bon, j'espère qu'il y a de la musique, non? Ah, non, on n'a pas trouvé les moyens financiers de nous procurer des CD vierges. On veut pas que ce soit vierge, les CD! Oh! On veut que ça joue de la musique! Ben, on va en jouer, puis là, on a de l'harmonica à guinguette. Oh, monsieur, c'est pas avant, ça? Non, c'est avant l'avant! Oh! C'est demain le jour de... On dirait que tu changes d'octave à chaque fois. Mais oui, mais je me mets en beau fusil. Troisième prise, c'en est gênant. Oh! Si je savais pas, dans la nouvelle vague, là, François Truffaut faisait faire ses prises au moins 250 fois. Si on parle pas d'Hitchcock... Qu'est-ce qu'il y avait, Hitchcock? Hitchcock, en plus d'être un peu cinglé, là, lui, il était... À l'époque, le borderline existait pas. Ah, ben oui... Ça a toujours existé, ben il y avait pas de nom. Ben c'est ça, ça existait pas puisqu'il y avait pas de nom. Lorsqu'il y a un nom, hein, c'est la naissance de la maladie. Ou la naissance de quelque chose. Quand il y en a pas, ben c'est fatigant, cette affaire-là, oui. C'est demain le jour de l'an, guélons le mon Joe, la lurette, c'est aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est demain! Oh oui, c'est vrai, j'avais changé les paroles en plus. Pardonnez-moi, car je ne sais pas ce que je fais. C'est beau, hein? C'est beau, ce qu'il arrivera demain au fond là-bas. Oh, c'est pas celle-là. C'est demain, le jour de l'an, guélons le mon Joe, la lurette. C'est demain, le jour de l'an, il faut changer de maîtresse. Il faut changer de maîtresse, mon Joe. Non, arrête de me faire rire. Il faut changer de maîtresse. Changera qui voudra. L'élan, l'homme, mon Joe, la lurette. Il changera ce qu'il voudra. Mais moi, je garderai la mienne. Oh, yeah. Oh, moi, je garderai la mienne, mon Joe. Ah ouais, mon Paul. Oh, moi, je garderai la mienne. Moi, c'est pas Paul, OK. Elle a de jolis yeux doux. Des yeux doux? Comment on peut sentir la douceur des yeux? C'est au regard. Oh, OK, c'est vrai. Vous avez raison, madame. C'est qui l'a écrit? C'est Paul Piché. Oh, Paul Piché, OK. Elle a de jolis yeux doux, une bouche vermeille. Oh, yeah. Une bouche vermeille, mon Joe. Une bouche vermeille, comme il serait doux. Guillon le mon Joe, la lurette, comme il serait doux d'avoir un baiser d'elle. Moi, je suis ténor comme Pavarotti. Il est mort, oui, c'est ça, j'ai une voix de mort. Et oui, sœur, mon loup, ma belle, de... concentre-toi, oui, dans concentrer, y'a con, oh, on y va. Comme il serait doux d'être avec ma belle, mais encore bien plus doux de dormir avec elle. Oh! Là, à 16h05, on peut pas dire des choses de même, là, dormir avec... Ouais, mais dormir à côté, là, comme un enfant devant sa maman. Oh, hey, toi, t'as les belles visions. Ah, oh, j'ai des visions, là, j'ai vu la Vierge Marie hier. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, elle a rien dit. Je l'ai juste vu, là. J'ai pas eu le temps de te demander. J'avais pas payé mon compte, hein. Puis la liaison, là, quand tu payes pas, là, pop, elle s'en va. Ta voix, là, pop, elle s'en va. Là, ça va, pop, elle s'en va, mon dos. Alors, d'avoir un baiser d'elle. D'avoir un baiser d'elle, mon Joe. D'avoir un baiser d'elle. Mais là, on veut plus baiser d'elle. Ben, on veut dormir avec elle. Oui, mais le baiser, ah, OK. Dans un grand lit blanc, dit-on, là, mon Joe, la lurette. C'est dans un grand lit blanc, tout près d'une chandelle. Tout près d'une chandelle, mon Joe, yeah. Tout près d'une chandelle. Oh, la chandelle est ouverte. Non, c'est le micro qui est pas ouvert. Le film va commencer dans 5 moments, annonça la voix sans âme. Tous ceux qui ne sont pas placés attendront la prochaine séance. La file s'avança lentement, mollement vers la salle. L'auditorium était vaste et silencieux. Une fois assis et envahi par l'obscurité, la voix a repris. Le programme de la soirée est connu, ce spectacle vous l'avez vu et revu. Votre naissance, votre vie, votre mort, et peut-être d'autres souvenirs encore. Avez-vous eu un bon séjour sur Terre? Assez pour en faire un film? Jim, hey mec, c'est ton anniversaire. Qu'est-ce que tu dirais si on terminait notre fois? Je vais baisser encore un peu la lumière, Jack. Comment ça se fait que tu fais ça sur les Doors? Pas de musique, pas de Doors, vas-y, fais rouler. Ça roule! Tout le monde est entré. Tout le monde est entré. Tout le monde est entré. La cérémonie va commencer. Laissez-moi vous parler d'un cœur qui souffre d'avoir perdu Dieu, errant sans fin dans la nuit sans espoir. Ici, à la lisière, il n'y a pas d'étoiles. Ici, nous sommes raides, immaculés. Riders on the storm. Comme c'est beau, on dirait des moutons, ces gros nuages. Riders on the storm. Jimmy, réveille-toi, regarde les nuages. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out of love. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Monsieur l'agent, qu'est-ce qui se passe? On peut faire quelque chose? Rien d'autre, juste un rêve.

full box sont d'entrée. Ouais, décale-toi si ça va trop vite. T'es trop rabat, alors guette le réel acrobate. Opé même sur de l'afrobeat. Voilà le prodige, je m'approprie la scène à l'heure où les MC vont voir la police. J'ai la vibe illégale, ne reste pas immobile. Certains coupent et décalent pendant que d'autres bougent comme des Playmobil. J'ai des tarifs de groupe, mec, un truc de ouf. Pour que tout le monde bouge et foute le sou coûte que coûte. Je ne vous saoule pas, non, je vous enivre. Faites-moi confiance, vous vouliez de l'ambiance, je vous enivre. J'invite la foule à apprécier en salle ou au comptoir. Un bon foutoir, Sky planqué dans la coudoir. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, ne veulent pas faire l'histoire. Pousse le volume à fond, faire péter les lois. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, ne veulent pas faire l'histoire. Pousse le volume à fond, faire péter les lois. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, je viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Approche, c'est open bar. On a le son qui te blesse, mieux vaut ne pas faire d'histoire. Pousse le volume à fond, je viens faire péter les watts. Préparez-vous ce soir, je suis venu retourner la boîte. Monsieur les patrons catholiques, pas vrai ça, on n'a pas entendu ça, non. Monsieur les patrons catholiques, madame, s'il vous plaît, madame les voluptés, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, parce que tu l'as autorisé avant le test. C'est bon, j'ai autorisé personne, moi là, j'ai demandé, j'ai dit, les deux grands invités aujourd'hui, pendant toutes ces heures, c'est Edith Butler. J'ai invité Edith Butler, elle va peut-être faire son entrée. Et j'ai invité aussi Annie Cordy, parce que j'ai dit Edith Butler, c'est pour Paquetteville, hein. Puis on l'aime, on l'adore. Puis on sait très bien qu'elle sait la rendre, cette chanson. Oh, attention, oh, pas vrai. Hey, Edith, Paquetteville, pas tantôt. C'est pas maintenant, parce qu'il faut quand même laisser le temps au public de s'installer. Madame Tremblay a pas défait son arbre de Noël. C'est terminé, Noël! Allez-moi ça, éboule! Ouais, mais non, elle était trop centrée sur les boules. Et nous avons aussi une autre invitée qui attend dans le corridor. C'est Annie Cordy. Ben, Annie, non, c'est pas ton tour, Annie. Ah, on va le... Non, mais parce que... Hey, attention! Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau? Qu'est-ce qu'il y a sur ton grand chapeau? Tata yo-yo, tata yo-yo, tu gardes tes oiseaux pour tout à l'heure. Nous avons tout le temps de nous installer. Vous pouvez mettre... Nous avons un vestiaire ici. Nous avons un vestiaire. Et mettez vos draps, parce qu'on va se coucher ici tout à l'heure, là. Puis imaginez-vous Paquetteville lorsque ce sera une chanson un peu plus intime. Hein? Oh, Paquetteville, tu peux bien dormir tranquille. Paquetteville, tu peux bien dormir. Ben, tout le monde va ronfler, ça va être merveilleux. Mais avant qu'il soit trop tard, elle va toujours... Paquetteville, puis Annie Cordy, c'est la même chose. Ah, bon doux. Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques et catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. Puis je tiens à vous dire que pendant toutes ces heures, il y aura des spectacles. Qu'est-ce que tu veux dire? Inédit, c'est le mot que je cherchais. Eh, c'est pas compliqué, ça, là, inédit. C'est inédit. Ben oui, je m'en souvenais plus. Là, tu devrais placer sur le mur, ici, là, tous les mots que tu dois te rappeler pendant 16 heures, parce que, c'est bon, c'est pas 16 heures, là, j'ai pas dit 16 heures, je dis 16 heures, pas 16 heures, 16 heures, 16 heures. Un bravo 16 heures, s'il vous plaît. Je sais que Mme Tremblay va nous concocter sa farce de poulet à spaghetti. Comment ça, du poulet à spaghetti? Oui. Elle a chez elle des petites astuces, mais c'est une mère au foyer, hein, donc elle a tout pour faire plaisir à sa grande famille. De combien vous avez d'enfants, vous? Ben moi, bonjour, monsieur Grenier. Non, moi, c'est Gagné. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Ah, moi, ça va bien, ça va bien. Bon! Alors là, vous allez nous expliquer qu'est-ce que vous faites. Ah, mais moi, là, vous souvenez, il y a de la dinde. Oh, mon Dieu, nommez pas de nom, hein. Des dindes, on en connaît. Non, mais ma voisine d'en haut, c'en est une, hein. Ah, c'est là. À 2h du matin, c'est une boomerine, un boomerine. Elle est pas en boomeuse, elle, là, mais elle sert des verres. Des verres de terre? Non, des verres pour boire. Oh, mon, elle sert des verres. Elle fait des petits cocktails. Oh, des cocktails! Oh oui, des beaux cocktails! Et donc, elle rentre très tard le soir, hein, puis dans un état, des fois, parce que les petits messieurs veulent qu'elle boive des cocktails pour qu'elle affaiblisse un peu son jugement et qu'elle retourne avec eux dans les draps sinueux de l'amour singulier et surtout, quotidienne, mais éphémère! Oh! Bref, on appelle ça une soirée d'un soir. Un soir, deux soirs, trois soirs, quatre soirs, cinq soirs, six soirs. Comment vous dites ça? Non, six soirs. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais dire, là? Ben, je sais. Ah oui, c'est ça, ma sauce à spaghetti. Ben oui, ben c'est très, très simple. Vous préparez un spaghetti. Il y a de la dinde. Pas ma voisine d'en haut, là. Pas la coquetellesse, là. Mais vous mettez du poulet sur le dessus de votre spaghetti avec une sauce avant. Et sur le dessus, vous terminez avec ça. Avec quoi? Ben, avec ça, là. Ben, quoi, ça? Ben, moi, ouais, je vous ai de la dinde, du poulet, n'importe quoi, de la viande blanche. Oh! Et si c'est de la viande brune? Ben, de la viande brune, c'est pas à conseiller parce que c'est très classique, hein? Des boulettes de bœuf haché. Non, c'est haché. Haché. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. Puis là, vous vous demandez jusqu'où, dans quelle direction nous allons nous envoyer. Dans quel sens nous envoyer? Ben, nous amener, nous diriger. Oh, OK. Oh, le micro s'est dirigé vers la gauche. J'aime ça, moi. Un micro gauchiste, là, t'es mon ami, je t'amène avec toi, avec moi, avec nous. On nous amène, hein? On nous amène à l'hôpital, s'il vous plaît, des allégés mentaux. Oh! Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée. C'est vrai que vous allez voir sur les vidéos. Parce que, premièrement, là, cette émission-là, comme toutes les errances rénaliennes, c'est filmé. C'est aussi enregistré, vous pouvez avoir la version audio ou audieuse et et vidéo, donc vidéeuse. Non, pas vidéeuse, c'est iconique. Iconique pour l'image. Et là, c'est mon profil. J'ai demandé comme Julio Iglesias, qui lui préfère le côté droit de son visage, moi, aucun côté m'avantage. Peut-être de dos. Quoique j'ai les cheveux passablement pouf! Version pétard. Oh! C'est pour ça qu'on dit que tu es un pétard! Non, moi je vais mettre ça, moi là. Ah, ben c'est les cheveux, mais autrement, là, regardez-moi ça. Oh bon, on peut pas changer de peau, ça, non, vous pouvez pas changer de canal, c'est ça. Alors donc, la rénalité, bienvenue, nous. L'absurde, on passe à une autre page, là, un autre appel. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour, monsieur Grenier. Non, c'est Gagné. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ah, moi, ça va très bien, mes rhumatismes. Sont à 12. Ah, ben, c'est bon. Ben, c'est très bon, des rhumatismes à 12. Ben, je pensais qu'il était à 13, mais là, c'est descendu à 12 parce que je me suis frotté. Avec quoi? Avec de l'utidiradirifique. Ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est, comment vous appelez ça? Le satisudorifique. En fait, j'avais plus de... Oui, qu'est-ce que tu dis là? Non, mais parce que là, les mots qui voulaient changer, j'avais de la crème, j'avais de la pommade. C'est bon de la pommade? Oh, c'est bon, moi j'ai goûté, hein. Je vais peut-être j'ai oublié de la faire bouillir parce que au goût, là, c'est un peu, c'est comme la vie, hein. Oh, comment ça? C'est amer. Oh, comme disait Charles Trenet, la tramée, ouais, cherchez les caracoles, cherche tout

That's it. You know, I just tapers off to nothing. Well, I said I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. Well, I said I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. She's my baby. Don't you understand? Across town, good to me. Oh, she says her love early in the morning, just for me. Oh, yeah, she says her love early in the morning, just for me. Oh, yeah, she's my baby. Don't you understand? I love a man. Well, I said I got a woman way across town. She's good to me. She's there to love me all day and night. Never grumbles or fusses, just treats me right. Never running in the streets, leaving me alone. You know the woman's way. Right in our head, oh, I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. Well, I said I got a woman way across town. She's good to me. Across town, she's good to me. Oh, yeah. She knows she's all right. She knows she's all right. She knows she's all right. I got a woman way over town. She's good to me. I did a song about, I don't know, when I was a baby. And you gotta lean on your knee like this, like a fool. It's a very tender love song, it's a ballad, and you get up into a girl's face, you know, very close, and you say, and it blows her hair straight back, you know. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna rabbit that you ain't no friend. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Crying all the time. Well, you ain't nothing but, you ain't no friend of mine. You ain't nothing but. You know, when I first started in this business, I was a little bitty guy, a little shaky leg. So Ed Sullivan saw me and said, son bitch. Anyway, they put me on TV and they filmed me from the waist up. You know, I'm going. Anyway, MGM is doing a movie here called Elvis Loses His Excess. Shakes his excess off or whatever it is, man. So don't let these cameras throw you. Give me an E or a G or an F or a D. I'll be fat minor plus one. I don't know what I'm talking about. If you milk this thing long enough, you know. Put this in front of you, Ronnie, okay? Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of a lonely street, a heartbreak hotel where you will be. You'll be easy lonely, baby, where you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. Well, although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so good is a lonely, baby. There's a lonely, well, there's so lonely they could die. Play it, Jim. And just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be. Where you'll be so lonely, baby. Where you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. Got to patch it up, baby, before we fall apart at the seams. We got to patch it up, baby, we can't let time unravel our dream. Let's go back and touch the past. One more night is all I ask. Get that feeling. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. Patch it up with a whole lot of it. We got to patch it up, baby. Let's sweep out all the cobwebs of our heart. We got to patch it up, baby, before indifference pulls us apart. That's only you got to patch it up, baby. You got to patch it up, baby. Patch it up with a whole lot. We can patch it up, baby. We can patch it up, baby. Patch it up with a whole lot. Hold on.

future is mine. So if an old friend I know, shove it up your nose, just by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again, whoa, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. We can't go on together with suspicious mind, and we can't build our dream on suspicious mind. Won't let our love survive. Oh no, I'll dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Oh no, 'cause honey, you know I've never lie to you. Ooh. Yeah. We're caught in a trap. I can't walk out because I love it too much, baby. Why can't you see, whoa, what you're doing to me? Don't believe a word I'm saying. Now don't you know, call it a trap. I can't walk out because I love you too much. Call it a trap. I can't walk out because I love trap. I can't walk out because I love it too much, baby. Don't you know I'm caught in a trap. I can't walk out because I love too much, baby. Where you going? Don't you know I'm caught in a trap. Never mind. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you. Can't walk out because I love you too much. Caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. I can't walk out because I love. Don't you know, caught in a trap. I can't walk out because I love too much, man. Oh, don't you know, caught in a trap. I can't walk because I love too much. I can't walk out because I love too much, baby. Oh, don't you know I'm caught in a trap. I can't walk because I love too much, baby.